Et du coup, nous, on n'a pas prévu du tout ce sur quoi on enchaîne. Si, on a prévu un Si, peu. bien sûr, on va On est on va vraiment pas. Ah ouais, on est hyper comment dire, hyper précis dans ce qu'on diffuse. On voulait diffuser le son que Nicolas avait préparé sur la colère des Ah oui, un soignants et des petit sondage. soignantes. Est-ce que tu veux en parler Ouais, un petit donc peu? en fait c'est un petit ça c'est juste bah je me disais comme d'habitude qu'on n'a pas envie de parler à la place des autres, hein, souvent dans les collectifs horizontaux, dans les endroits où on participe, les structures qu'on tisse en ce moment, les manières de se parler, de décider, etc. On cherche à s'exprimer le moins possible pour les autres personnes. Et ouais, moi je me réveille en ce moment, je suis vraiment en colère en fait. Je suis en train de développer une haine confinée seule chez moi qui vire à la folie. Donc je me disais qu'il était peut-être intéressant de faire un petit montage des paroles de personnel soignant pour voir ce qu'ils ont à nous dire sur la situation actuelle. Voilà, c'est un petit montage chronologique, hein, ça commence en février, puis ça termine sur avant-hier, on écoute ça. François Sallache, un neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, le 27 février, lors d'une visite de Macron. Donnez-lui les moyens de nous donner les moyens de soigner nos patients. Les personnels hospitaliers, le corps soignant dans son ensemble a fait tous les efforts nécessaires. Nous sommes au bout, oui, mais on a besoin d'un choc, vous aimez bien les chocs, donc un choc d'attractivité. Il faut absolument refinancer en urgence l'hôpital public. Je suis vraiment désolé, mais c'est extrêmement important. Je ne suis pas là pour moi, vous avez compris. Je sais. Je suis là, vous savez qui est derrière moi? L'ensemble du corps soignant. Et on ne peut pas se contenter des faits d'annonce, je suis désolé. Non, mais moi, je ne suis pas pour les faits d'annonce. Non, les effets réels. D'accord, mais on est passé par un an de déni. Après, on a fait le constat. Maintenant, il faut agir. J'ai peur, malheureusement, qu'on soit passé par beaucoup plus qu'un an de déni, si vous voulez prendre ma pensée. Alors moi, le fond de ma pensée, c'est que Kairos, c'est le moment opportun. Et le moment opportun pour le président de la République d'agir, même dans une situation dont il n'est pas responsable, oui. C'est maintenant. Mais il faut saisir. Je ne suis pas vous voir dans quelques instants. Eh bien, très bien. J'ai entendu. Je pense que je ne suis pas le seul. Non, non. Ok, très bien. Si je fais ce que je dis, on va voir. Très bien. Ok. Mais je vais remercie. Notre hôpital. Merci. Il faut vous voir. Oui, mais il a involu. Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Donc, je compte sur vous. Ah oui, vous pouvez compter sur moi. Et vous L'inverse comptez sur moi. reste à prouver. Philippe Juvin, chef de service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Le 20 mars. Cette situation est absolument atterrante. J'avoue que je ne comprends pas comment on a pu en arriver là, un pays comme le nôtre. C'est un sentiment où je suis atterré et très en colère. Vous voyez ce masque-là, ce masque, eh bien, il faut que je le change tous les 4 heures. Et moi, j'ai la chance d'en avoir un. Nous sommes dans le pays où il y a les plus grands services hospitaliers. Nous faisons des choses extraordinaires. À Pompidou, il y a le cœur artificiel et nous n'avons pas de masque. Je disais il y a 2 jours que c'était une économie de santé de pays sous-développés, mais je pense que je n'ai pas tort. Vous avez rappelé qu'il y a 10 ans, il y avait 1 milliard de masques disponibles, il n'y en a quasiment plus. C'est une situation folle. Des médecins, des infirmières, à l'hôpital, en ville, dans les EHPAD, n'ont pas de masques. Et je pense à tous ces gens qui s'occupent des personnes âgées, qui les emmènent se laver, se manger, tous ces gens-là, eh bien, est-ce qu'on les protège? Cette affaire, il faudra qu'on se l'explique un jour. Comment on a pu en arriver là? Comment ceux qui nous gouvernent, au fur et à mesure des années qui sont passées, ont laissé faire? Il faudra qu'on en parle. Fabrice Divisio, avocat de personnel soignant, le 23 mars. La confiance, c'est fini. La confiance, madame, je dis à mes enfants qu'elle se mérite. Je suis désolé, madame. La confiance dans ce gouvernement, non. Et le principe mais de vous la allez avoir confiance en quoi? On ne peut pas dire qu'on n'a plus confiance non, en rien. non, Mais c'est la non, fin. C'est la non, fin. Vous ne pouvez pas. non, On ne peut pas. Mais enfin, depuis le début, on me dit qu'effectivement, je ne peux pas. Depuis le début, on nous ment et vous me parlez de confiance. Alors je vais vous dire. Il faut croire en quelque chose. Bah, il faut donner de l'espoir aux gens. Mais pourquoi je ne peux pas dire ça? Mais parce que vous allez casser toute la confiance des gens et l'espoir pour les gens. Vous croyez qu'il leur reste quelque chose de la confiance? Vous croyez que Madame Buzyn. Et Madame Buzyn, elle s'est souciée de ça? Donc Madame Buzyn, elle a le droit d'aller dans le monde pour dire qu'effectivement elle nous a menti depuis le début, qu'elle savait, elle a rien fait, mais moi j'ai pas le droit de venir dire que effectivement on peut pas avoir confiance dans des gens qui nous mentent. Mais non, on peut pas avoir confiance. Mais vous dites aux gens et de croire en quoi alors? Alors En quoi là, les gens qui mais nous c'est regardent, simple, mais vous leur dites de croire en je quoi? comprends On pas a besoin de croire en quelque chose. Mais moi je sais en quoi croire. dans les recommandations de l'OMS. Test. Oui, mais on les a pas. Bah, je veux bien, mais on les a pas. Est-ce qu'il n'appartient pas à une puissance industrielle, au lieu de communiquer sur les plateaux télé et de venir effectivement donner des chiffres de mort, de se bouger les fesses 5 minutes pour les trouver cette... Regardez LVMH. Rien ne vous dit qu'ils ne les font pas. Regardez LVMH. LVMH a réussi en un week-end à rapatrier effectivement des millions de masques là où l'État s'est montré défaillant. Alors juste là-dessus, on va s'arrêter un instant là-dessus, parce que Laurent Nunez était dans le 20h de France 2 vendredi, et il a dit qu'il n'y avait pas de problème de masques en France. Et bah, il est seul. Alors écoutez, on l'écoute et vous commentez après. Alors d'abord, effectivement que ces masques sont indispensables pour les personnels soignants, personne ne dit le contraire. Oui, mais ces masques donc sont livrés très régulièrement, et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Lui, il faut le frapper, à un moment donné, il faut le frapper. On dit pas, voilà. Si, on dit. C'est l'expression. Que... Non, c'est l'expression, mais enfin, pardonnez-moi, mais c'est un menteur invétéré. Vous savez combien de masques ont été livrés, quand ça a été livré, dans les zones infectées, dans les grosses zones? Les 25 18, départements. Dans les 25 départements, 18 masques ont été livrés pour les professionnels de santé. 18. 18 par quoi? Par semaine? 18 par... Non, par 18, 18 par personne. Soignant sortant de l'hôpital le 29 mars à 20h. Bien, ben, sortir de l'hôpital à 20h et puis être accueilli par des gens qui sont des enfants... À leur balcon qui tape des mains, des cantes de brume qu'on peut entendre, bah écoutez, ça fait toujours chaud au cœur. C'est toujours un peu plus que ce gouvernement qui donne toujours pas les moyens et qui se réfugie derrière. On a acheté des masques, on a acheté ci, mais petit rappel quand même. C'est vous qui nous avez mis dans cette merde et qui avez mis les Français dans la merde. Je vous rappelle que, initialement, vous avez voulu privatiser la sécurité sociale et notre système de santé est passé du 3e rang mondial à au-delà du 10e pour la 5e puissance ou 7e puissance économique mondiale. Ça fait peine. C'est désolant. Voilà, ce gouvernement en marche, Macron en tête, vous êtes des salopards. Je vous le dis, j'ai vu des choses aujourd'hui. Je sors du bloc, de rien. C'est très très dur. Très très dur de ce qu'on voit. Des hommes de 50 ans, robustes, être fondus dans leur lit et d'avoir des poumons, c'est dramatique ce qu'on est en train de vivre. Et avec un gouvernement qui s'est dessaisi de cette histoire de... Parce que ni plus ni moins derrière, c'était faut privatiser le système public français, faut privatiser les hôpitaux publics. Ben voilà le résultat, monsieur Macron, vous êtes en train de le payer cash. Castaner, vous nous avez tapé sur la gueule parce qu'on défendait... Et nos revendications étaient les plus simples du monde. Des moyens humains, des moyens matériels. Vous nous avez gazés, vous nous avez matraqués. Et maintenant, vous vous réfugiez. C'est une honte. Vous êtes la honte de ce pays. Ouais, c'est terrible. Bon, je vous laisse là, et puis à demain, je vais pour une deuxième journée au combat. À bientôt. Christophe Prudhomme, porte-parole des médecins urgentistes de Seine-Saint-Denis, le 29 mars. Nous dénonçons le fait que chaque hiver, lors de l'épidémie de grippe traditionnelle, chaque été, lors de la petite canicule, chaque grand week-end du mois de mai, nous n'avons pas assez de lits de réanimation. Donc la situation était prévisible, sauf que nous avons hurlé dans le désert, on nous a renvoyé à nos chères études et on n'a pas été entendu par les politiques. Donc il y a des responsabilités, il ne faut pas dire que ce n'était pas prévisible. Nous l'avons dénoncé depuis 15 ans cette situation. Le fonctionnement de l'hôpital à flux tendu était un non-sens. Vous voyez, nous vendre des gestionnaires de lits et le tout ambulatoire, écoutez, je vais utiliser un terme un peu trivial, c'était de la foutaise. On a besoin d'avoir des capacités en réserve au quotidien parce que l'activité médicale d'un jour à l'autre ne se prévoit pas. Et quand on est en situation de crise et qu'on a un système qui est sous tension déjà en période d'activité normale, eh bien dès qu'on a une augmentation d'activité qui finalement là aujourd'hui est importante mais est limitée à certaines régions, ça craque de partout. Donc c'était prévisible, c'est une catastrophe qui était prévisible, la situation de notre système de santé. Maintenant, écoutez, le choix, c'est pas les choix entre services publics. La question, c'est est-ce qu'on donne les moyens aux services publics de fonctionner correctement en période normale et de pouvoir être disponible quand on a des crises, crises qui se renouvellent quand même maintenant de plus en plus souvent. Parce que vous savez quand même, concrètement, les lanceurs d'alerte sur la transmission des virus animaux aux humains du fait de la déforestation massive, on les a pas écoutés parce que le VIH, le sida, Ebola, Ce virus vient du monde animal. Pourquoi ? Parce qu'on déforeste, parce qu'aujourd'hui il y a des problèmes écologiques majeurs, et la transmission de virus qui viennent du monde animal, qu'on ne connaît pas, qui peut être particulièrement virulent, à la population mondiale, risque de se multiplier dans les années qui viennent. Donc il y a eu effectivement des lanceurs d'alerte qu'on n'a pas écoutés. Et ce que dit M. Barbier, ça montre bien que le monde politique aujourd'hui, que ça soit en France ou dans le monde, que ça soit à l'Europe ou que ça soit à l'ONU, aujourd'hui n'est pas en capacité de nous proposer une politique qui soit dans l'intérêt des populations. On nous a vendu un monde libéral, de l'entreprise, des paradis fiscaux, de l'argent il y en a. De l'argent il y en a aujourd'hui. Donc la question c'est pas de dire si on met plus sur l'hôpital, ça sera moins pour l'éducation ou pour la police. La question c'est moins dans les paradis fiscaux, moins de dividendes aux actionnaires. Voilà, faut être clair et net. Et c'est ça la question qui est posée aujourd'hui, je peux dire qu'avec mes collègues, on en discute beaucoup. Infirmière anonyme, le 1er avril. J'accuse le président de la République de non-assistance aux soignants en danger de mort dans l'exercice de leurs fonctions. J'accuse le chef de l'État de déléguer son rôle protecteur à la nation, celle-là même qui nous applaudit tous les soirs et qui de ses mains d'or réalise masques, prépare repas, font dons et respecte le confinement. Décidément, monsieur Macron, vous ne méritez pas votre peuple, ce peuple qui vous a pourtant élu, si fraternel, lui. Ce peuple, ces soignants qui alertent, qui crient, qui hurlent, pleurent. Vous restez sourds à nos appels. Vous en êtes méprisants, monsieur. Vous nous avez trahis. À jamais le sang de ces hommes et de ces femmes en blouse blanche restera indélébile sur vos mains criminelles. Donnez-nous ces masques, ces protections nécessaires pour affronter le Covid-19. Après cette guerre, il faudra répondre de vos actes, car d'autres après moi, après nous, diront « j'accuse ». Je m'appelle Sophie, je suis infirmière libérale. Merci. Éric Tricot, infirmier anesthésiste à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, le 2 avril. Et puis un petit message personnel quand même, je tiens à le dire à tous nos ministres, taisez-vous, ça devient indécent de vous entendre parler parce que, à vous écouter, Madame Bachelot, Monsieur Bertrand, Madame Tourelle, Madame Buzyn, Monsieur Véran, vous n'y êtes pour rien. Alors moi je vous le dis, si vous êtes responsable de la casse du système public français, il suffit de prendre les chiffres. En Allemagne, c'est 27 000 lits de réanimation qui sont prêts, budgété, fonctionner, il y a du matériel, il y a du moyen humain autour. Nous, en France, c'est 7000 lits. Vous faites le delta, c'est le nombre de morts qu'il y a sur le tapis. Si vous êtes responsable, voilà, je vous le dis, je vous pointe du doigt, vous êtes tous responsables parce que c'est vous qui aviez les commandes, c'est vous qui aviez la bourse. Vous avez du sang sur les mains, messieurs, dames, les ministres. Alors, taisez-vous. On ne veut plus vous entendre parce que ça devient insupportable de vous entendre. Merci, à bientôt pour des nouvelles et encore remerciements, mille remerciements de tous les hospitaliers pour cette vague de solidarité du matériel que vous nous avez offert. À la paix, fournissez-nous autre chose, vous voyez, c'est des tenues, on voit mes bras à travers, on voit même le logo, et voilà, avec ça, je suis soi-disant protégé contre le Covid-19.